tous les matins. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. Raphaël Nadal a officialisé son forfait pour le Master de Paris-Bercy et pour le Master de Londres. Autant dire que pour cette fin d'année, financièrement, Raphaël gagnera Nadal. Télévision avec du nouveau pour la prochaine saison de Fort Boyard qui aura lieu cet été sur France 2. Exactement, une révolution puisque les candidats vont dorénavant devoir amener des clés USB. Bon, c'est plus léger, c'est le côté, côté pratique. Hein. Italie, Silvio Berlusconi est condamné à un an de prison. L'ancien premier ministre italien dénonce un acharnement judiciaire. Berlusconi nie toute implication pour fraude fiscale. Au Chili, une épidémie de gastro-entérite fait des ravages. Évitez de dormir au chibi ou bien vous finirez dans le beau drap. Et pour terminer, si vous aimez les programmes QQ et les policiers, regardez l'émission Danse avec les stars. Tous les matins, 6h-6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, allez, on va jouer maintenant avec Sébastien qui est là. Salut Sébastien. Salut. Comment vas-tu? Ça va et vous? Ben, ça va bien, t'appelles de Durbuis, 19 ans, placeur de châssis, Sébastien, c'est bien ça? C'est ça. Mais attention, bon. Il va te gratter des châssis. Non, de ce côté-là, chez moi, je suis tranquille. Là, ça va, c'est bon. Pour la radio, ce serait pas un luxe. Je vois pas pourquoi tu dis ça, on a des châssis magnifiques. Ouais. Bon, Sébastien, on va jouer au vrai faux des stars. Le principe est simple, tu vas pouvoir repartir peut-être avec un iPod si tu réponds correctement à 3 questions sur 5. C'est un vrai faux à chaque fois, donc pas très compliqué. On va démarrer avec la première question, Seb. Ouais, allez, bah, on y va, c'est parti. Vrai ou faux, Kylie Minogue pense avoir de plus belles fesses que Pippa Middleton? Vrai. Bonne réponse. Ouais, Pippa aurait confirmé avoir de moins jolies fesses que Kylie Minogue. D'accord. Pourtant, lors du mariage, là, elle avait des. Enfin, ils avaient tous pété des plombs, les mecs pétaient des plombs. Ah bah, tu m'étonnes, c'est-à-dire que. Regarde, Toff, je suis sûr que t'étais en. Elle m'a aidé à m'endormir plusieurs fois. Ouais. Même avec une poupée gonflable, lui, il est au chaud. Donc bon. Oh, vrai ou faux, Cheryl Cole a oublié que sa chanson n'était pas en playback en direct à la télé? Vrai, bonne réponse. Ouais, ça devait être en playback et du coup, bah, elle attendait la. Bah voilà, que la chanson commence et puis ça. Il y a que la musique qui est. Bah voilà, c'est... Bah, il faut chanter, elle a dû chanter, Cheryl. Bah oui, la pauvre. Bah c'est ça. Elle a payé pour ça et puis quoi. Vrai ou faux, Adèle vient d'accoucher de son premier enfant? Faux. Eh ben c'était vrai. Non, c'est vrai, elle vient d'avoir un petit garçon. Voilà. D'accord. Elle a pas encore dit le prénom, mais voilà. Ok. C'est un petit garçon. Bon, vrai ou faux, Ashton Kutcher et Demi Moore n'arrivent pas à divorcer pour une question d'argent? Faux. Ah oui, c'était vrai. C'est vrai. Et tout ça, précisant de bonheur. Comme quoi, franchement, rien à foutre. Ouais, ils veulent juste des thunes maintenant. Vive l'argent. Bon, et enfin, dernière question. Attention, Sébastien, t'avais bien démarré. Là, t'as fait 2 faux, donc faut plus se tromper, sinon c'est perdu. Vrai ou faux, les village people sont gays? Faux. Bonne réponse. Ouais, en fait. Ouais. J'ai eu des doutes. Après l'hippopotame, j'ai trouvé un canard. Bah voilà, je m'en fous, je n'expliquerai pas pourquoi. Ah bah d'accord, donc les auditeurs là, qui sont coupables de rien, là, ils peuvent pas savoir. Mais si, mais c'est parce qu'on dit souvent qu'il y a un double sens dans leur chanson et donc il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à dire qu'ils seraient peut-être gays. Mais en d'accord. Fait, non, c'est pas non, le cas. Au final, tu n'auras peut-être pas dû donner l'info. Bah voilà, mais ça fait pas sans pareil, ça va. Puis bon, Sébastien, bah, c'est gagné sur le film et c'est gagné. Bravo à toi, tu repars avec l'iPod comme promis, Sébastien. Un grand merci à vous. Mais avec plaisir, Sébastien. Tu reviens quand tu veux sur Fun, à bientôt. Ah ben j'essaye souvent. Eh ben tu vois comme quoi t'as été tiré au sort et t'as même gagné, tu vois un peu, t'as une grande classe quand même. C'est beau. Bon. Super content. Avec plaisir. Eh ben bonne journée, passe une bonne journée Sébastien, à bientôt. Merci à vous aussi. Salut. Allez, ciao. Mickaël à la radio. Le replay. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Sur la question existentielle, maintenant on va appeler à En Gros, mais pourquoi faire? Bon, c'est pour Audrey qu'on appelle là-bas? Non, bah, j'aurais. Oh, c'est facile. J'y avais pensé. C'est en fait. Cruel. Ça faisait longtemps. J'avais essayé de trouver une question à base de gros Drey, mais j'ai pas trouvé. Ah ouais, bah ouais. Mais je continue à réfléchir. Hein, bon, bah, si vous avez bien. Des idées, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, effectivement. Non, pour le moment, on va juste se demander si la poule qui passerait du coq à l'âne, elle aurait mal au cul. D'accord, ok, très bien. Oui. Bon, bah donc on va appeler alors. Hein. Bah, on va appeler en gros leur direction. C'est parti, direction en gros maintenant. Non, ça fait rire cette ville. Pardon. Tu vas mourir à 8h avec le débat. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Mais vous êtes malade ? Bah non, pourquoi vous dites ça ? Ah oui, ah oui, bah visiblement elle a dû partir très très vite. C'est pas grave, on rappelle en gros maintenant, attention. Voilà, c'est reparti. Allô. Oui, bonjour monsieur. J'étais au téléphone avec votre femme, on a été coupé. Vas-y, déballe, connard. Comment? Pardon? Déballe, connard. Vous voulez que je déballe quoi, monsieur? Des conneries. Ah non, parce qu'en fait, moi je vous appelais juste pour vous poser une question. En fait, je me demandais, est-ce que vous pensez... Écoute-moi bien, connard. Si tu rappelles encore, je porte plainte. Oui. Bien mais, compris. Mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Pas de faire faute, connard. Mais après, il va répéter combien de fois? Je sais pas, il avait l'air énervé. Hein. Bon, bah tant pis, on va plus l'appeler. Hein, parce que... Ah non, c'est tout. Voilà. C'est dommage. Bah oui. Ah, vous êtes sympa aujourd'hui. Hein. Non, oui, oui, aujourd'hui on est gentil. Ouais, mais trop aujourd'hui on est gentil. Trop d'insultes, tu l'insultes. Exactement. Mickaël à la radio. Le replay. Ah, c'est bon. Tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Si maintenant, les meilleurs messages laissés sur le 0473-86-0013, on écoute tout de suite le premier message. Bien, coucou, c'est Christophe de qui a priori, tu m'as blacklisté. En tout cas, ben, j'espère qu'on pourra discuter et puis ben, se découvrir. Voilà, ben, très très bientôt. Ah. Allez, oui, à très très bientôt. Et puis c'est bien parce qu'il n'a pas du tout une voix de pervers. Ouais. Non. Pas du tout. Mais oui, je ne vois pas le voix du pervers. Pourquoi dis-tu ça? Mais je ne sais pas. Bonjour, Oline. Oh. Bonjour, Oline. Comment ça va, Oline? C'est toi qui appelles. Ah, t'as bien peur. Deuxième message. Oui, Franck, je voulais te demander pour avoir la pince Molly. J'ai laissé un message, mais j'en sais rien si ça a fonctionné. J'aimerais bien que tu me rappelles chez moi et que tu me dises aussi où t'habites. Mais oui, voilà, c'est ça. Et tu me ramènes la pince. Mickaël à la radio. Le replay.